profiter. Je sens mes petites feuillettes et je me roule mon cône. Alors je suis prêt à rouler. Alors je suis prêt à rouler. Quand je vois le papier, je peux pas m'empêcher. Je peux pas retenir mes pensées. Je veux rouler. Oh, baby.